Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. Jungle des luttes, c'est le programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, donc en direct tous les troisièmes lundis du mois, de 19h à 20h30, retransmis le quatrième jeudi du mois, de 8h à 9h30. Et donc on vous propose également pas de suivre les émissions si vous les avez ratées ou si vous voulez réécouter l'une d'elles sur notre blog qui s'appelle La Jungle des Luttes, donc le nom de notre programme. Donc le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, on a aussi un site que vous pouvez consulter et une assemblée ouverte, le premier, troisième, cinquième mercredi du mois à 20h30 au 33 rue des Vignoles dans le 20e à Paris, dans les locaux de la CNT qui nous héberge donc depuis 1995, création de ce comité. Donc merci de nous écouter, merci à FPP de nous accueillir, merci donc à également les invités d'aujourd'hui. Donc on va pas vraiment parler du Mexique aujourd'hui. Donc y a des peuples, enfin les peuples dans le monde sont en colère, se rebellent, se rebiffent. Voilà, on connaît le système qui oppresse et qui réprime, et donc plein de mouvements, et puis il y a aussi des crépuscules noirs et néfastes. Et donc voilà, on va parler justement de ces petites lumières et de ces gens qui nous font voir peut-être le bout d'un tunnel, même si la lutte est longue et ne s'arrêtera jamais. Bonne année de lutte. Donc, on espère qu'on va faire mieux encore cette année. Et donc, justement, en Iran, on espère que, justement, depuis ce mois de septembre, où Mahsa Amini a été victime du système répressif et de ce soulèvement qui a suivi, et de ces femmes qui donc mènent un combat. Et donc on aura un copain réfugié politique et en France donc depuis 83 qui est avec nous et qui pourra nous parler de ce qu'il voit, de ce qui se passe en Iran aujourd'hui. Et on l'a connu à travers ce réseau de solidarité avec les apatistes. Donc lui, c'est un syndicaliste, donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il nous parlera de ses connexions, pas puisque bon, voilà, l'Iran, elle a connu d'autres révolutions, une nouvelle est en marche, et donc voilà les connexions qui peuvent être possibles entre toutes les forces vives de ce pays. Et donc on passera dans une deuxième partie à la Bulgarie, un pays dont on parle pas souvent non plus, de manière générale, dans notre programme, mais aussi de manière générale en Europe. Et donc on pourra parler, il y aura d'autres intervenants, on aura le temps de vous les présenter. Et là on sera avec Sevda pour nous parler de ce qui se passe et de ces crépuscules d'extrême droite qui créent des réseaux, et aussi donc voilà, du coup à nous de créer nos réseaux cette année encore plus, de consolider nos réseaux. Et donc on va être en Iran et en Bulgarie jusqu'à 20h30, c'est la Jungle des luttes sur FPP. On va mettre un petit morceau d'introduction et on sera ensuite avec Ahmad. Merci. 106.3 FPP, la jungle des luttes. On est avec Amad qui donc ne peut pas être avec nous puisqu'il n'est pas sur la région parisienne. Mais donc, bonjour à toi et merci de nous appeler. Et donc, je te laisse nous raconter un peu l'histoire de ce pays que tu connais, que tu connais bien puisque tu y as vécu et tu continues à être en lien évidemment avec ce qui se passe là-bas. Encore, je te laisse la parole et merci encore. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion de parler de l'Iran, de son histoire récente et de ce qui s'y passe aujourd'hui. Et par la même occasion, de dire toute ma solidarité avec le peuple iranien aujourd'hui en lutte. Tu peux parler peut-être un peu plus fort, je ne suis pas sûr qu'on entende très bien. Pardon ? Allô ? Ouais, je disais peut-être que tu peux parler un peu plus fort, j'étais pas sûr qu'on t'entende très bien. Très bien, d'accord, ok. Il me semble que pour bien saisir en fait les différents aspects de l'insurrection actuelle, il nous faut faire un retour en arrière parce qu'il serait difficile de faire une analyse de ce qui se passe en Iran aujourd'hui sans un regard historique sur ce qu'est la République islamique et comment elle s'est formée. Pour cela, il me faut insister sur le fait qu'à mon avis, il n'y a jamais eu de révolution islamique en Iran. Ce à quoi on a assisté en 1979 était une intrusion massive, populaire, sur la scène de la politique pour mettre fin à des décennies d'injustices socio-économiques et répression exercée par la dynastie Pahlavi, mise en place par un coup d'État en 1953, fomenté par la CIA et les services britanniques contre le gouvernement de Dr Mossadegh. Il est intéressant de noter qu'ils avaient appelé cette opération Ajax, du nom d'un produit de nettoyage censé nettoyer l'Iran du communisme. Nous pouvons dire donc que le peuple iranien n'a pas fait une révolution pour l'islam. Le pouvoir, par contre, issu de cette situation, était effectivement islamique. Le clergé, représentant la bourgeoisie traditionnelle, a pu, en s'appuyant sur un vaste réseau de mosquées et une myriade d'œuvres de charité, des écoles coraniques et surtout grâce au soutien massif et financier du bazar, s'imposer comme la seule force capable de mettre de l'ordre en Iran et empêcher surtout la révolution d'aller trop loin. C'est comme ça qu'ils ont pu écarter les autres forces politiques du pays. Ils ont pris la bourgeoisie libérale à leur service pour gérer les affaires et face aux forces démocratiques et de gauche, la répression a été la seule réponse. Il est aujourd'hui de notoriété publique que cette ascension au pouvoir du clergé s'est effectué sous l'œil bienveillant d'un Occident soucieux de ne pas perdre le contrôle sur un pays stratégiquement et économiquement très important. La conférence de Guadeloupe réunissant les Anglais, Américains, Français et Allemands et qui s'est tenue en janvier 1979 avait comme contenu principal la situation iranienne. Et n'oublions pas enfin qu'en 1979, la guerre froide battait son plein. C'est ainsi que le clergé a pu en fait s'imposer face à d'autres forces politiques qui étaient présentes et qui tentaient eux aussi d'influer sur l'histoire, sur le cours de l'histoire. Le nouveau pouvoir devait donc par conséquent se construire pas à pas. Se construire non pas comme un État, comme on peut connaître ailleurs dans le monde, un État conventionnel, séparé et arbitre de la société, mais comme un État diffus, présent partout et englobant de fait la totalité de la société iranienne. Pour cela, le clergé qui était familier avec la littérature des mouvements révolutionnaire des luttes armées contre la dictature du Shah, je pense là aux Fédahines du peuple ou encore les Moudjahidines du peuple à l'époque, Donc le clergé connaissait cette littérature et s'est peu à peu constitué un discours populiste, prétendument anti-impérialiste et anti-sioniste. Ce discours s'est peu à peu imposé et a même entraîné avec lui une partie de la gauche iranienne. Je fais ici référence au parti Toudeh, le parti communiste d'Iran à l'époque, qui a poussé son soutien au régime très loin, allant jusqu'à se rendre coupable d'une collaboration sécuritaire avec l'appareil de répression. Cet État, donc ainsi nouvellement créé, était néanmoins obligé de, d'une manière ou d'une autre, de respecter la division internationale du travail, du fait de sa dépendance quasi exclusive à la rente pétrolière. Depuis, nous constatons que la République islamique se trouve piégée et confrontée à une contradiction, insurmontable très souvent. D'une part, assurer les conséquences de ce discours populiste, et de l'autre, ses obligations vis-à-vis de l'économie désormais mondialisée et la division donc internationale du travail. Pour se sortir de cette contradiction, la République islamique utilise volontiers et très régulièrement un dispositif présent en islam chiite, qui se révèle très pratique en effet, c'est la notion d'ejtihad, qui n'existe qu'en islam chiite, et qui permet à un mujtahid, qui est une sorte d'expert en interprétation de textes, de traduire et de dire pour le commun des mortels comment comprendre et appliquer les textes. C'est un système de mise à jour permanent qui permet au régime de se sortir du guépier dans lequel ce discours populiste le coince. C'est comme cela que la République islamique a mis en place son idéologie. Cette idéologie a été poussée tellement loin qu'il fait de ce régime un État idéologique. La Oumma, ou le peuple de l'islam, constitue la base de cet État et ne reconnaissant bien évidemment aucune légitimité à tous ceux qui se situent en dehors. Pour rassurer sa base, pour rassurer donc cette base que l'on estime aujourd'hui aller entre 15 et 10%, ça veut dire très exactement tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, mangent à la table de la République islamique. Donc pour rassurer cette base, l'État islamique d'Iran se recroqueville sur lui-même de plus en plus et face aux contestations et aux mouvements qui ne cessent depuis des décennies de secouer la société iranienne, une seule voie reste possible, celle de la répression violente à tous les niveaux. Mais il faut rappeler que cette répression s'est mise en place dès le lendemain de la constitution du nouveau pouvoir. Les femmes, les peuples arabes, turkmènes, kurdes, le mouvement des étudiants, proches des forces politiques de gauche, ainsi que les mouvements ouvriers en étaient les premières victimes. En effet, dès le lendemain de la prise de pouvoir, ils ont commencé à réprimer en fait l'ensemble de ce que le processus révolutionnaire avait mis en place, à commencer par des conseils. Nous avions vu fleurir des conseils d'ouvriers, d'étudiants, de quartiers, et ils ont commencé à réprimer de suite, le lendemain, l'ensemble de ces conseils, notamment par exemple les conseils de quartier. Moi, dont je faisais partie dans mon quartier, on était pour la plupart armés. Donc ils ont fait une grande collecte des armes, ils nous ont désarmés, et ainsi de suite. À peine 2 semaines après la prise de pouvoir, ils ont voulu rendre le voile obligatoire. C'est alors que nous avons assisté à la première manifestation d'ampleur contre le régime. Les femmes ont bradé l'interdit et la répression pour dire non. Cette manifestation, malheureusement, je le dis vraiment avec beaucoup de regret, n'a malheureusement pas reçu le soutien nécessaire de la part de la gauche. La gauche, dans sa majorité à l'époque, considérait que cette question n'était pas prioritaire dans un moment post-révolutionnaire. Je crois surtout qu'on n'avait pas compris la portée historique et l'importance d'une telle régression. Les filles de ces femmes-là, aujourd'hui, nous ont montré qu'on avait tort à l'époque. C'est dans ce contexte que donc, nous assistons régulièrement à des mouvements de contestation. Si, dans beaucoup de cas, les mouvements de révolte avaient pour revendication essentiellement des visées démocratiques et qui mettaient en mouvement la société civile et les classes moyennes, depuis maintenant plusieurs années, nous sommes témoins d'un changement majeur en assistant à des grèves et autres mouvements de classe populaire et ouvrière. Durant la décennie précédente, il y a eu pas moins de 4000 mouvements de grève et mouvements de classe. Bien évidemment, l'ensemble de ces mouvements ont fait l'objet d'une répression féroce. Le régime a souvent recours à des arrestations préventives des leaders ouvriers pour empêcher ces grèves de se répandre. Néanmoins, nous le savons de sources très fiables que la classe ouvrière est plus que présente dans le mouvement actuel et les comités des quartiers, qui sont la base même de ce mouvement, sont très actifs. C'est eux qui organisent toutes les manifestations et les rassemblements qu'on voit. Et donc, la classe ouvrière est présente dans ces quartiers-là. Il faut également signaler aussi, ça c'est très important à mon sens, que la classe ouvrière en Iran, comme ailleurs, subit les effets de la restructuration des années 70-80, à commencer par son éclatement en une myriade de petites unités de production de sociétés de sous-traitance. En Iran, l'ensemble de ces secteurs est contrôlé soit par les gardiens de la révolution, soit par des proches du régime. L'aggravation de la situation économique, due à d'abord une gestion clientéliste et donc hasardeuse, et une corruption généralisée inimaginable, doublée des effets des sanctions imposées par les Américains, explique ce basculement dans les mouvements de contestation. Avec une inflation qui, pour certains produits, avoisine les 150%. Et sachant que plus de 60% des Iraniens vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui, les révoltes de 2019, par exemple, suite au triplement des prix de carburant soldés par la mort de 1500 personnes en seulement quelques jours, était un exemple majeur de ce basculement encore. Sachant que la population iranienne est jeune, près de 50% des Iraniens ont moins de 30 ans. Une jeunesse qui n'a devant lui aucune perspective d'avenir. Et sachant qu'il n'y a plus aucun espoir de retour, de réforme, nous constatons de fait l'impasse dans laquelle se trouve l'Iran. Toutes les voies de réforme ont été épuisées. C'est ainsi que l'ensemble des contradictions qui travaillent la société sont arrivées à leur terme et doivent être résolues. C'est dans ce contexte que Mahsa a été assassinée. On va faire une petite pause musicale alors. Et du coup, je te remercie pour nous resituer et nous toute cette histoire et ce contexte qu'on ne connaît pas assez en France. On fait une pause musicale. À tout de suite et on revient toujours 106.3, c'est la jungle des luttes. Très bien, d'accord. اگه دیدی درد مردمو ولی چشاتو بستی، ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی، اگه از ترس یا واسه منفعتت خوده کردی، تو هم دست ظالم هستی، تو هم مجرم هستی. اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونا رو میریختن، گرفتار کسبتی وقتی جون جوونا رو میگیرن، اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست، بدون رأی سفید نداریم، بیطرف نداره این جنگ. اگه دست رو چشمات گذاشتی دستات خونین، خائنی اگه تریبون داری و حرفات بومیدن، دوری از وطن و دوربینای ما همسو نیستن. یادت باشه کثافت های پشت ابر لو میرن. اگه سرپوش گذاشتی رو قتل تو هم قاتلی، واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری. بدون مال کشیدن تو این سیستم کامل نیست. ایران انقدر زندان داره که همتون جا بشین. ژورنالیست بازاری، مخبر دوزاری، هنرمند درباری، سوراخ موش بخر، مامور معذور، از بالا دستور، جلاد مجبور، سوراخ موش بخر، سوپا پت مینان، منصوب بی اختیار، اصلاح طلب حزب، با سوراخ موش بخر، صادراتی نایی یا کی زیرو رو که شار جایی، بده هرچی دلار داری، سوراخ موش بخر. چه هنرمندی که خبر از نون بری نداری، شاشیدن به اسکار تگ مردمی نباشی، پاره میکنم کلافه تو که دیگه چرن نبافی، چه شهاب دولتی باشی چه اسخر فرهادی، چه بازیکن حکومتی و چفی الیسی، چه بازیگر صادراتی و اله هیکسی، شما خود فروش پولی نرزه مقام فیکسین، حیف زالو جیر خورا شما از خلایق نیستین، لاشی کارون باب مدنی که پر نمیشه، خوزستان جتون نمیخواد صاحب کل میزه، آزادی گرونه باشه آزاده کشته میده، یادتون باشه خون فقط با خون شسته میشه. تیر بزن از پشت سر بکش تشنه ها رو، به قتل حق خواه نامسلح افتخار کن، بیرون مرز به جنایت بزن رنگ و لعاب رو، بگیر از من مژده فردا و تقاص رو. ژورنالیست بازاری، مخبر دوزاری، هنرمند درباری، سوراخ موش بخر، مامور معذور، از بالا دستور، جلاد مجبور، سوراخ موش بخر، سوپا پت مینان، منصوب بی اختیار، اصلاح طلب حزب، با سوراخ موش بخر، صادراتی نایی یا کی زیرو رو که شار جایی، بده هرچی دلار داری، سوراخ موش بخر. منتظر ناجی نباش، خبری تو راه نیست، نجات دهنده خودتی، خودت قهرمانی، من و تو اگه ما بشیم بیکرانیم، ما منجی زمانیم، امام زمانیم. La jungle de la lutte. On est toujours avec Amad, donc réfugié politique et en France depuis 83. Et il nous parlait de ce qui se passait en Iran. Enfin, plutôt de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Et justement, on était en train de voir si tu pouvais nous raconter. Bon, alors, on sait très bien qu'il y a un mouvement de femmes qui est né depuis 4 mois. Qui est relayé au-delà de... Enfin, cette information relayée dans le monde entier. Et il y a aussi donc tout un peuple derrière ces femmes qui aussi prennent leur part dans ce mouvement qu'on peut appeler révolutionnaire, peut-être. C'est à toi, en tous les cas, Amad, de nous raconter ce que tu peux. D'accord. Sur ce qui... Très bien. Je vais juste prendre un instant pour dire le morceau que vous venez de diffuser. Et du rapport contestataire iranien qui s'appelle Toumaj Salehi. Toumaj est en prison depuis près de 2 mois. Et justement, hier, j'ai lu un témoignage de son oncle. Il a été tellement torturé, Toumaj, qu'il ne pouvait ni boire, ni manger, ni parler pendant près d'une semaine. Et qu'ils l'ont tellement frappé qu'il est en train de perdre l'œil droit. Donc ça, c'était juste pour rappeler, situer le morceau. C'est un garçon qui souffre beaucoup en ce moment. Merci. Donc, et on le salue. Comme vous le savez, le 13 septembre, Mahsa Amini, une jeune femme, a été assassinée par les sbires de la République islamique et de sa police des mœurs. Un mouvement de contestation et de révolte sans précédent depuis 4 décennies a vu le jour à la suite de cet assassinat. Mahsa était une jeune femme, elle était kurde. Et à mon avis, cet assassinat revêt un double sens. Répression sociale du genre et répression des minorités. Cela peut être considéré comme un point d'intersectionnalité. De plus, il est très important de noter que Mahsa n'était pas une rebelle. À savoir que, comme beaucoup de femmes en Iran, elle respectait tant bien que mal les règles du port du foulard, et ce, dans le seul espoir de mener, si possible, une vie normale. C'est à ce moment-là que, constatant, voyant cet assassinat barbare, beaucoup de gens, des femmes et des hommes, ont compris que ça peut arriver à tout le monde. Et que vraiment personne n'est à l'abri. Suite donc à ce meurtre sauvage, le Kurdistan, la terre de résistance depuis toujours, se met en mouvement et à sa suite, l'ensemble du pays. Le mouvement dépasse très largement et très rapidement la seule question du foulard. C'est l'ensemble du régime, dès le lendemain, qui est visé. Le slogan « Femme, vie, liberté » qui nous était venu tout droit des combats héroïques des femmes kurdes contre Daesh, devient le seul slogan qui fédère effectivement tous les secteurs de la société en lutte. Depuis, les femmes, tu as eu raison d'insister, de préciser le rôle des femmes, parce qu'effectivement, elles jouent le rôle central dans les manifestations. Et ça, c'est aussi important de le signaler, parce qu'avec ou sans foulard, on a énormément de femmes voilées qui participent à ce mouvement. Donc, avec ou sans foulard, elles sont effectivement le cœur battant de ce mouvement. Depuis, il y a eu près de 600 morts, 600 morts, dont 60 enfants. Pas loin de 16 000 arrestations. Des centaines de disparus. 5 exécutions directement liées au mouvement de contestation et d'autres qui attendent dans les couloirs de la mort. Des cas de viol en détention sont chaque jour signalés. Certains prisonniers, hommes ou femmes, se sont suicidés peu après leur libération. Ce qui nous laisse vraiment imaginer la barbarie dont ils ont été les victimes. Une des dernières personnes exécutées était un jeune homme du nom de Mohamed Mehdi Karami. Dans un dernier contact téléphonique avec son père, après l'avoir informé qu'il allait être exécuté, il lui demande de ne rien dire à sa mère. Peu après son exécution, on pouvait lire ce graffiti sur les murs, « Maman l'a su ». Dans un tel contexte de barbarie et de violence, pourtant, le mouvement se poursuit, ne faiblit pas. Depuis l'assassinat de Mahsa, nous avons assisté à plus de 1200 rassemblements, et ce, dans 160 villes de toutes les tailles. Des rassemblements ou mouvements de contestation dans plus de 144 universités. Nous sommes en présence d'une intelligence collective qui est à l'œuvre et ne cesse vraiment de nous surprendre, nous les anciens qui sommes aujourd'hui de simples observateurs. Des initiatives fleurissent vraiment de partout, deviennent force d'unité populaire. Le courage, l'imagination et une soif de liberté, accompagnée d'une détermination sans faille, fait effectivement trembler le régime. Les forces de sécurité sont épuisées, ne savent plus où donner de la tête. Il y a des cas de désertion qui sont chaque jour signalés. Pas mal des commandants qui refusaient ou qui ne faisaient pas leur travail comme il fallait ont été arrêtés. Une organisation diffuse, parce que beaucoup de gens disaient « Ah, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de leader, donc ça va mener à rien. » Mais en fait, il y a une organisation. On le voit vraiment quand on suit cette insurrection. Il y a une organisation diffuse, invisible, et qui rend la détection des chefs impossible. À croire qu'ils ont appris des erreurs des militants que nous étions. Il est aussi important de savoir que si ce mouvement arrive à renverser ce régime, au vu de l'influence néfaste de la République islamique au Moyen-Orient, il y aura incontestablement une fenêtre de liberté qui s'ouvrira pour les femmes et les hommes de tous les pays de la région. Le chemin de la liberté et de justice est hélas souvent pavé d'embûches et de violences. Espérons que le prix à payer soit le moins élevé possible. face donc à cette situation inédite depuis 4 décennies, ce qui est très important pour nous qui sommes aujourd'hui à l'étranger, en Europe ou en Occident en général, ce à quoi il faut qu'on fasse attention et qu'on ne doit pas cesser de dénoncer. Et ça, c'est très important. On essaye de le dire à chaque fois à nos amis et camarades non-iraniens. C'est de dénoncer les tentatives du capitalisme visant à la fabrication d'alternatives qui tenteront, comme en 1979, de détourner le mouvement de son but de justice sociale. Ces dernières semaines, on a vu, par exemple, fleurir des appels à l'unité sacrée du peuple iranien, lancés par des célébrités et autres vedettes du cinéma, prétendant que, pour l'heure, l'important est de se débarrasser de la République islamique. Un de ces courants, qui mène cette danse macabre, en fait, n'est autre que celui du fils du Shah renversé en 1979. S'appuyant sur l'immense fortune que son père avait volée au peuple iranien en s'enfuyant, estimée à 65 milliards de dollars, il tente aujourd'hui de faire son retour en bon démocrate. Nous avons vu aussi, ici en France, une rencontre organisée sous les bons auspices de Bernard-Henri Lévy entre Macron et les femmes iraniennes censées représenter le mouvement en Iran. Heureusement que la jeunesse iranienne, qui se trouve dans l'enfer de la République islamique, nous a montré une intelligence remarquable et qui avance sans faire attention à ses gesticulations. Depuis le début du mouvement, des slogans inlassablement répétés nous montrent que cette jeunesse est capable d'imaginer un autre avenir et qu'en aucun cas un retour en arrière fait partie de son plan. Je vais vous citer quelques exemples des slogans qu'on entend très très souvent qui sont repris, à part bien évidemment le slogan principal qui est « Femme, vie, liberté ». Pas de couronne, pas de turban, le mollah est fini. Ni char, ni mollah, abat l'oppresseur. Avec ou sans foulard, nous irons jusqu'au renversement. Ce dernier point était pour préciser, et qui était important, comme je l'ai dit, qu'à notre avis, aucune des forces ayant participé, d'une manière ou d'une autre, dans les deux dictatures du Shah ou de la République islamique, ne peuvent aujourd'hui se considérer comme faisant partie de l'insurrection en cours. Et un dernier point, on est souvent, nous, questionnés sur l'avenir de cette révolte. C'est la question à 10 millions d'euros. Mais à mon avis, c'est un élément de réponse est la suivante. Il y a une chose qui est sûre déjà, un retour en arrière est impossible. De fait, l'Iran a d'ores et déjà changé. Sous l'impulsion des femmes, le foulard n'est plus de mise. On voit de plus en plus, mais énormément de femmes dans les rues des villes d'Iran sans le foulard. Par contre, on voit les turbans des mollahs qui sautent. C'est devenu un sport national. Les jeunes arrivent par derrière. Souvent, il y en a un qui filme et qui font sauter le turban. Selon toute vraisemblance, à mon sens, on se dirige vers une démocratie laïque. Si toutefois, et ça c'est vraiment un autre débat, si toutefois un tel système soit structurellement possible en Iran. Voilà en gros ce que je pouvais dire aujourd'hui sur la situation en Iran. Merci. Merci à toi et beaucoup de combativité à ces peuples d'Iran qui doivent donc effectivement combattre ardemment toute cette répression et ce système. Et effectivement, comme souvent dans les mouvements révolutionnaires, il y a toujours des personnes qui sont organisées, elles, pour venir prendre le pouvoir. Mais tout effectivement, on ne revient jamais en arrière. Donc, il s'est passé quelque chose. Et donc, l'Iran d'hier et d'aujourd'hui... Enfin, l'Iran d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier et celui de demain ne sera pas celui d'hier non plus, du coup, forcément. Donc, merci à toi. Peut-être qu'on aura l'occasion de te demander de nous donner des nouvelles à un autre moment s'il y a des avancées. Merci encore à vous. Et vive la lutte de tous les peuples engagés dans les luttes. Voilà. Oui, merci. Merci à toi, à tout bientôt. Et donc voilà, pas de chat, pas de mola. Et puis, on va continuer avec pas de nazis dans nos rues, justement, puisque on va, avec Sevda, poursuivre avec ce qui se passe aujourd'hui à Sofia, enfin en Bulgarie. Et puis, justement, c'est les clashs de London Calling. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I to the imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. FPP, la jungle des luttes, donc on est ensemble jusqu'à 20h30. Pour ceux qui nous ont ratés, vous pouvez nous réécouter jeudi, quatrième jeudi du mois, de 8h à 20h30. Donc pour la première partie, on était plutôt du côté de l'Iran. Là, on va passer plutôt du côté de la Bulgarie avec Sevda. Et puis, on aura une copine, un copain qui vont nous appeler. Tu nous en parleras, tu les présenteras tout à l'heure. Et donc, on te laisse nous présenter ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se prépare en Bulgarie, ce qui se passe de manière générale. On est du côté de l'extrême droite, là, justement, qui organise une marche. Et donc, tu voulais justement nous parler de ce qui se passe. Salut à vous, camarades français. Aujourd'hui, Sofia Calling, pas de nazis dans nos rues. L'appel qui nous vient de la capitale bulgare est un appel donc de forte mobilisation contre la montée des idéologies nazies et fascistes. Cet appel que nous lançons chaque année depuis maintenant 20 ans est en réponse d'un des plus grands rassemblements européens néo-nazis qui a lieu à Sofia, connu comme la marche de Lukov. C'est quoi cette marche donc? C'est une marche néo-nazie, une marche au flambeau qu'on a connue aussi dernièrement ici à Paris. Cette marche se déroule depuis 2003 chaque année, tous les mois de février. Le patron, disons comme ça, de cette marche est un ministre de la guerre en Bulgarie de 35-38 et un partisan de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce ministre qui s'appelle Christo Lukov dirigeait aussi l'organisation ultranationaliste Union des Légions Bulgares Nationales qui prônait ouvertement l'antisémitisme, la xénophobie, le totalitarisme et le fascisme. Ce général fait pression également pendant la Deuxième Guerre mondiale sur le gouvernement bulgare pour qu'il envoie les Juifs bulgares dans les camps de la mort en Allemagne. Et il fut tué le 13 février par une femme d'origine juive résistante communiste antifasciste, Violetta Yakova, qui à l'époque avait 20 ans. Donc les organisateurs de ce marche, de cette marche, un mot sur les organisateurs. Le principal organisateur de la marche est l'Union nationale bulgare Edelweiss. Mais parmi les organisateurs, on retrouve quasi la totalité de la scène bulgare d'extrême droite et néo-nazie, notamment le parti ultranationaliste VMRO qui compte des députés au Parlement européen et faisait auparavant partie de la coalition parlementaire Patriotes Unis et aussi du gouvernement de droite mené par Boyko Borisov jusqu'à 2021. Une parenthèse sur ce gouvernement, il est formé par le parti conservateur de droite qui se nomme Citoyen pour le développement européen de la Bulgarie. Parmi les autres organisateurs, on trouve l'organisation informelle Résistance nationale, célèbre pour avoir organisé des manifestations homophobes et des attaques physiques contre les militants de gauche et les militantes de gauche. On retrouve des groupes de football ultra-néo-nazis, la branche bulgare de l'organisation néo-nazi Blood and Honor et plein d'autres. Cette marche, cette année, a été annoncée pour le 25 février. Et donc, le jour même, nous souhaitons organiser une mobilisation forte en réponse. Il faut dire que, à cause de la pandémie, les deux dernières années, la marche a connu une faible participation des organes en Asie européenne et internationale. Mais cette année, c'est le 20e anniversaire de la marche et on s'attend à une forte présence de l'extrême droite européenne. Ce que je peux dire d'autre, c'est que on peut se poser aussi la question sur la collaboration institutionnelle en Europe, une collaboration avec l'AN qui s'exprime par l'autorisation de ces marches au flambeau, qui, soi-disant, dans un premier temps, sont interdites, mais qu'on laisse défiler librement. Et en plus, la mairie de Sofia a dernièrement assuré la protection des marcheurs avec des escortes policières. On peut aussi parler de fait que le salut nazi du député bulgare Angel Jambas, qui est dans le Parlement européen, n'a pas fait plus de bruit que ça, et l'Europe a fermé les yeux face à ces actions. Voilà, donc le discours de la haine est promu et largement bien acquis dans les médias européens également, qui laisse passer des discours d'incitation à la haine et de la propagande raciste sous le couvert de la liberté d'expression. Maintenant, après une petite pause musicale que j'ai demandée, qui est un chant à tzigane antifasciste, j'aimerais bien laisser la parole aux camarades qui sont sur place à Sofia et qui sont sur le terrain et qui mènent la lutte de là-bas, difficilement, avec beaucoup d'efforts. Voilà. Alors, on fait une petite pause musicale. On est toujours sur 106.3. Fréquence Paris Pluriel, c'est la jungle des luttes. Musique. Jelen, jelen, lungun. 106.3 FPP, c'est toujours donc la jungle des luttes. Et donc, Sefta a demandé à une copine donc, qui est sur le terrain de nous appeler. Et peut-être que je te laisse lui parler. Je vous laisse entre vous et nous, on écoute. On est à... c'est à vous. Bon, bah, je laisse Rossi se présenter et puis nous dire quelques mots sur l'extrême droite en Bulgarie. Et leur, bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir appelé. Merci à vous pour l'invitation. Alors, on te laisse, si tu veux, nous donner tes impressions sur ce qui est en train de se passer et nous donner un petit peu ce contexte-là dans lequel cette marche se prépare. Oui, ben juste pour dire quelques mots sur moi, moi, je fais partie de quelques collectifs... de gauche en Bulgarie, notamment un journal aussi qui écrit pas mal d'articles sur l'extrême droite ou la situation politique en Bulgarie. Par rapport à la chanson qui vient d'être mise à la radio, juste pour dire que ça c'est une chanson oui, antifasciste d'une certaine personne rome, Jarko Jovanovic, qui a été en fait incarcéré lors de la Deuxième Guerre mondiale dans un campement de concentration. Et lui, il a été libéré plus tard. Il a écrit la chanson qui raconte que sa famille, que les Roms fuient de partout, qu'ils voyagent partout et que aussi sa famille a été tuée par la légion noire des Oustaches qui était composée par les Bosniaques et les Croates à l'époque. Du coup, ça c'est quand même une chanson assez assez puissante. Et je pense que parlant des légions, on peut se tourner vers la Bulgarie pour parler d'une certaine légion de Lukov, du général Lukov, qui a été créé lors de la Deuxième Guerre mondiale en Bulgarie. Ça n'aurait pas eu un effet aujourd'hui si ce n'était pas pour un certain parti, un groupuscule d'extrême droite qui s'appelle l'Union bulgare des nationalistes, qui a été créée fin des années 90, début 2000. Et depuis 2003, en fait, entre guillemets, cette marche du général Lukov. Et cette année, on fêtera les 20 ans de cette marche, le 25 février. Ce même jour, il y aura aussi la marche anti-Lukov, qui, on peut dire, en ce moment, est plus large que la marche fasciste. Juste pour dire quelques mots sur la marche elle-même, c'est organisé notamment par cette union nationaliste qui est composée beaucoup de jeunes. C'est même écrit sur leur site web que le cœur de cette organisation est la jeunesse. Et ils déplorent aussi un manque de principes dans la société, l'individuation et l'égoïsme partout. Ça, on peut dire que c'est lié beaucoup au système capitaliste libéral qui est mis en place depuis 1989. et où la journée se sent complètement perdue, où il y a une individualisation vraiment extrême dans la société, où il n'y a plus de système social, il n'y a plus de soutien entre les membres de la société, et où ce type de formation extrême peut facilement trouver une place. Si à l'époque, en 2003, cette marche aurait semblé bizarre ou extrême notamment, aujourd'hui on peut dire que ça a permis une banalisation et une normalisation des valeurs de l'extrême droite. Et ça a quand même des conséquences partout dans la société, y compris dans le champ politique, mais aussi ailleurs. Par exemple, les symboles qui sont revendiqués, les symboles liés aux préhistoires, ou on peut dire pas préhistoire, mais aussi les dieux, les anciens dieux bulgares de l'époque païen. Ils sont même utilisés par l'Union nationaliste, mais aujourd'hui on peut les voir partout en Bulgarie et aussi portés comme des médaillons, comme des médailles aussi par les gens. Cette normalisation, on peut la voir aussi dans le champ politique et notamment avec la participation des partis d'extrême droite au gouvernement, ce qui était le cas récemment pendant 4 ans dans le gouvernement aussi avec le parti de centre-droite. Et en fait, cette participation a entraîné une coupure du système social de l'État-providence en utilisant les arguments racistes, anti-Rom, anti-Tigane. Et ça a suscité, et ça a renforcé beaucoup de stéréotypes dans la société, beaucoup de divisions, au lieu de créer des unions. On peut voir aussi que l'Union nationaliste est contre toutes sortes de minorités, y compris ethniques, mais y compris les minorités LGBTQ. Il y a un an, ils ont ravagé le bureau de cette organisation, donc l'une des meilleures organisations en Bulgarie qui lutte pour les droits de LGBTQ. Et ça a été ravagé par les personnes d'extrême droite. Mais la Cour de justice n'a pas trouvé que c'était pour c'était avec les arguments ou avec les motifs fascistes, parce qu'il n'y avait pas de, comme il disait, de preuves indéniables pour montrer ça. Et ça, c'est quand même un petit problème. On peut aussi voir que le Parti socialiste bulgare, qui est aussi qui vient remplacer le Parti communiste bulgare après 89, eux aussi, ils prennent beaucoup de positions anti-libérales contre, par exemple, la Convention d'Istanbul pour des raisons anti-genre, anti-LGBTQ. Et ça, c'était aussi la même position de l'extrême droite à l'époque, en fait. On peut aussi voir aujourd'hui que les partis d'extrême droite, par exemple, une sorte de parti qui s'appelle Vazrajdané, ou en français, Résurrection, ils prennent des positions aussi similaires par rapport au euro, par rapport à la guerre en Ukraine, à l'envoi d'armes pour l'Ukraine. On peut voir beaucoup de similarités, mais ce qui est important aussi de rappeler, c'est que l'extrême droite a su aussi, comme toujours, comme aussi historiquement, c'était aussi le cas, l'extrême droite a pu aussi intégrer et prendre les mêmes positions économiques comme beaucoup de partis libéraux et de centre et de droite, notamment sur les impôts, sur la coupure de l'administration publique, sur l'exonération fiscale pour les entreprises et la coupure de de l'État-providence et beaucoup d'autres. Et sur ça, en fait, ces partis votent ensemble, ce qui est aussi le cas en France, si je peux dire. Enfin, c'est pas exactement une singularité, une exception, ce qui se passe en Bulgarie. Au contraire, ce qui se passe dans les pays de l'Est, ça entre dans la tendance générale en Europe. On voit aussi partout que l'extrême droite prend des positions de plus en plus visibles, de plus en plus importantes. On a vu aussi en Suède que le parti d'extrême droite a gagné la deuxième place dans les dernières élections. On voit aussi que Le Pen a été quand même assez proche du pouvoir à cette élection présidentielle l'année dernière, et qu'elle se rapproche de plus en plus de la place président. Du coup, il y a une certaine tendance en Europe qui devrait nous un petit peu effrayer, mais aussi mobiliser pour agir contre ce type de mobilisation de l'extrême droite. Et oui, effectivement, ça fait un peu peur de voir cette résurgence. Ouais. Et donc, du coup, toi, tu fais partie des personnes qui participeront à cette anti-marche, si on peut dire. Et donc, du coup, c'est une marche qui réussit à ramener aussi des forces européenne, ou pour le moment les personnes qui se mobilisent à Sofia en général, c'est ça reste des personnes qui sont en Bulgarie, puisque je dis ça puisque en fait comme la marche organisée à Sofia a priori serait en mesure de pouvoir rassembler des forces d'extrême droite au niveau européen, je me demandais si justement l'une des propositions, c'était pas effectivement d'avoir une marche aussi européenne anti-extrême droite. Après, du coup, selon, selon les termes, il y a anti-fasciste, anti-nazi, anti-anti. Oui. Moi, je pense qu'il devrait y avoir le plus grand nombre de marches contre les fascistes partout en Europe, pas dans un seul pays ou dans une seule ville. La marche antifasciste en Bulgarie est organisée depuis 2010-2011. Du coup, ça fait au moins 12 ans que ça a lieu. Et on peut dire qu'aussi au début, ça a commencé avec une toute petite déclaration d'une dizaine de personnes qui se sont rassemblées pour dénoncer une violence qui était faite contre... il y avait un incident, en fait, dans un tram, dans un transport en public en commun à Sofia, et où 15 fascistes avaient attaqué avec les tubes en métal et les bâtons deux ou trois garçons antifa. Et ils les ont vraiment envoyés à l'hôpital, en fait, tellement c'était violent. Et en fait, ça a commencé avec une déclaration pour dénoncer cette violence, qui ensuite a entamé une mobilisation de plus en plus grande et organisée, un petit peu avec l'aide de plusieurs d'autres collectifs, de beaucoup d'autres personnes, que ce soit des personnes politiques ou pas, ou politisées ou pas. À l'époque, je pense aussi à partir de 2008, où petit à petit, il y a eu aussi des personnes LGBTQ qui ont participé dans l'organisation de la manif de Sofia Pride, qui ont aussi participé dans l'organisation de la marche Antifa. Et ça a vraiment permis aussi un rapprochement entre les différentes luttes, ce qui est quand même important, parce qu'on n'est pas très nombreux non plus en Bulgarie en termes de personnes et d'activistes. Et du coup, chaque opportunité de se rapprocher, de politiser les gens, de un petit peu introduire à nouveau les mots fascistes, nazistes, de parler avec les vrais mots et de ne pas les utiliser n'importe comment pour qu'ils perdent du sens. Ça, c'est important. Et on voit que l'année dernière et aussi en 2020, Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens à l'extérieur pour la marche, qui étaient beaucoup plus nombreux que la marche fasciste. Ça, je pense que c'est quand même ça pour nous donner quelques graines de l'espoir pour l'avenir. Parce qu'on voit qu'il y a aussi beaucoup de jeunes et aussi de plus en plus de personnes politiques qui se permettent de venir et d'être visibles et d'être vues à ce type de manif. Moi, je pense aussi il faut dire que cette marche, mais pas que cette marche aussi, de manière générale, la droitisation du pays, ce que ça a permis, c'est aussi que, et juste en général, le rhétorique anticommuniste depuis 1989, ce que ça a permis, c'est une réhabilitation du régime d'avant 1944. Du coup, de l'époque monarchiste et de l'époque où les personnes politiques et le pouvoir étaient ouvertement fascistes ou se rapprochaient du fascisme. Par exemple, les partis politiques étaient interdits. Il avait aussi mis en place une loi pour la protection de l'État qui était, ça a quand même beaucoup de marques fascistes. Dans cette loi, il y a eu beaucoup de répressions, beaucoup de communistes étaient tués, pas que de communistes aussi, beaucoup d'autres, enfin aussi des anarchistes ont été opprimés. Et en fait, ce type de personnes, maintenant, qui étaient aussi à l'époque au pouvoir, qui ont aussi quand même ordonné l'envoi de 11 000 juifs en Macédoine à l'époque occupée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce type de personnes, maintenant, il y a des gens respectueux qui disent que oui, c'est des gens normaux, ils n'étaient pas fascistes, c'est que la situation était telle qu'il fallait prendre ce type de décision, ce qui n'est pas du tout le cas. Et en fait, c'est ce type de marche, de ploukouf, qui ont permis de faire ça, cette réhabilitation du régime. Et du coup, je pense que la marche qui est organisée contre les fascistes, qui s'appelle d'ailleurs « Sans nazistes dans nos rues », est très important, notamment pour rappeler quel est le discours antifasciste. Enfin, quels sont les mots et comment il faut les utiliser qui ne perdent pas leur sens. Oui, tout à fait. Il y a du travail à faire, puisque je crois qu'il va falloir qu'on déconstruise effectivement tout un tas de pensées qui aujourd'hui, effectivement, se banalisent. Et ça paraît complètement banal de dire que le racisme se banalise. Mais c'est malheureusement, du coup, effectivement, comme tu me le rappelais ici aussi en France, quelque chose auquel on est confronté, où il y a une démocratisation de ces partis, c'est-à-dire qu'ils entrent dans justement au Parlement, par exemple, en France, un truc qui n'était pas imaginable il y a 40 ans. Et donc, ouais, il va falloir effectivement déconstruire pour pouvoir réussir à insuffler des nouvelles formes de pensée et des nouvelles relations. Et en tous les cas aussi, justement, prendre et apprendre, comme disait le copain Ahmad, je trouve ça intéressant d'essayer d'apprendre du passé, de ce qui a marché, pas marché, de voir ce qu'il faut faire pour pas tomber dans des pièges. Et effectivement, choisir les mots, avec Sevda, on a eu l'occasion des fois de parler de ça, de justement comment on utilise ces mots-là. Et effectivement, en face, qu'est-ce qu'on met comme autre mot? Et c'est vrai que c'est un travail. Ouais. Ouais. Après, je pense qu'aussi, ce qui joue un grand rôle dans cette histoire de banalisation, c'est aussi le rôle des médias. On sait très bien aussi qu'en France, Bolloré et compagnie contrôlent quand même pas mal de médias, ce qui est problématique pour la démocratie de manière générale. Mais ça, c'est aussi le fonctionnement normal du capitalisme. Du coup, il faut forcément en déconstruisant et en se posant la question sur les fascistes se posaient aussi des questions anticapitalistes et sur comment fonctionne ça, pourquoi un tel rapprochement entre ce système et cette idéologie anti-humaine et quel rôle ils ont joué ensemble dans l'histoire. Aussi pour les Bulgaires, on peut dire que la chaîne nationale publique, la télé, a beaucoup contribué à une normalisation pour un petit peu répandre le patriotisme. On ne peut pas dire le nationalisme, mais c'est le, même s'il y a une grande différence, mais bon, le patriotisme, et, en fait, ça se passe à travers les séries, les discours anticommunistes des invités dans tous les shows. Il n'y a pas beaucoup de personnes de gauche qui sont invitées. Il y a aussi beaucoup de shows de type religion, histoire, point BG et d'autres, qui permettent en fait de parler librement, ouvertement, pour des choses qui sont quand même problématiques et qui sont après reprises par les gens d'extrême droite, qui normalisent en fait leur position, parce que il y a beaucoup de figures historiques, de personnalités historiques qui, pendant l'époque communiste, ont été revendiquées et avec raison en tant que socialistes et communistes, mais qui, après 1944-1989, ont été dépeints en tant que juste patriotes qui voulaient faire quelque chose pour le pays, sans mentionner leur position politique, en fait. Justement, je pense que ce serait intéressant. J'avais proposé qu'à un moment ou à un autre, on fasse aussi justement une discussion autour de qu'est-ce que ça a été cette période du communisme et qu'est-ce qu'on a pu en tirer, pas en tirer, justement, quand je parlais des leçons à tirer des expériences passées, ce qu'il faut prendre et pas prendre, justement, en tous les cas, forcément. Porter une analyse. On va devoir faire une petite pause musicale et comme on doit bientôt finir notre programme et qu'on a normalement un autre appel, je te propose à une occasion quand il y aura une thématique du type pays de l'Est, on fera appel à toi si tu veux bien. Merci de nous avoir appelé aujourd'hui en tous les cas. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Et puis bonne continuation. Et bonne marche anti. Bonne marche anti. Merci à toi, salut. Musique, donc on fait une petite pause musicale, on est toujours sur FPP 106.3. 3, la jungle des luttes, toujours sur FPP. On est avec Vado, il me semble, au téléphone. Je crois que tu es là. Salut, merci de nous appeler. Bonsoir. Et si donc, bah, on te propose de partager justement ton expérience. Je crois que vous étiez mis d'accord avec Sevda pour que tu puisses intervenir. Donc, on te laisse la parole. Salut à toi et merci hein, de partager. Bonsoir à tous. D'abord, pour dire que mon français n'est pas assez bon niveau, mais je peux dire quelques mots, je peux partager un peu mon expérience, qu'est-ce qu'on fait en Bulgarie. Même que maintenant je suis en France, cette année je ne vais pas participer sur site, mais grâce à vous, on peut partager en vite des camarades ici en France. Je voulais dire qu'en fait, cet événement qu'on organise, cette contre-démonstration qu'on fait, n'est pas justement une réponse de la manifestation néo-nazi, mais c'est aussi un bon moment de s'organiser et de même de se calculer parce qu'on n'est pas nombreux. Très nombreux contre le fascisme et l'État en général, pas justement contre Loukov ou contre cette occasion, parce que malheureusement on n'a pas une grande organisation antifasciste et on utilise cet espace aussi pour ça, pour s'opposer de leur de la répression anti-migrante, de violence à l'extrême droite. Juste une petite parenthèse ici, avec un exemple assez récent de Paris, avec le centre social de les Kurdes. Je voulais juste partager qu'on a un grand souci avec les Kurdes, la communauté kurde en Bulgarie. Très souvent, ils sont déportés directement à Turquie. Il y a comme un accord entre Bulgarie, Erdogan et l'État turc. Et c'est très, très, très dur, par exemple, pour les Kurdes. Et à propos de l'antifa marche qu'on organise, en fait, formalement, c'est cette dernière quelques années, elle était interdite par le municipal, mais ça a été fait en dernier moment, ça n'a été pas bien communiqué et finalement on a l'impression que ça a été juste un acte pour faire le visage entre ses partenaires européens. Mais enfin, les nazis, ils vont faire son marche, ils vont chanter, ils vont faire même des actes violents, ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc l'État et surtout le municipal est gouverné par cette partie qui, je pense, qui a été mentionnée hier, qui a été en coalition avec l'extrême droite dans le dernier Parlement. Donc c'est pas un choc que l'État fait pas suffisant pour arrêter les nazis, même quand ils sont très clairs, très violents, très vocales. On peut pas compter sur ça. Et le pire est que derrière de cette marche patriotique, il y a recrutement de beaucoup de gens, des garçons qui sont intéressés par football, ils vont regarder les grandes équipes de football. Et ils sont vraiment très, comment on dit ça, très fragiles. C'est très facile de manipuler. Et après, c'est une génération, en fait, qui va venir avec des idées très, très dangereuses. Et ça, c'est vraiment, je trouve qu'il faut vraiment contre-acter. Et ils sont aussi actifs sur les écoles. Juste un petit exemple, le leader de la partie qui est dans mon moment le Parlement de l'extrême droite, Bazraj Zanet, ça a été mentionné aussi par Rosica Osevda. Son leader est historien. Il écrit des livres qui sont distribués librement dans les écoles. Ça, c'est une histoire très, très, une perception de l'histoire bulgare, très nationaliste, contre tous les voisins, contre nos frères romains, juifs, ils sont exclus. Et ça c'est aussi une chose qu'on laisse passer. Et je pense que c'est une propagande qui va faire beaucoup de mal à notre société. Ça qu'on essaye de faire, par contre, on essaye de participer sur les grandes démonstrations qu'on y a. Par exemple, l'été dernier, on avait très, très grandes et nombreuses anti-gouvernement protestes pendant 6 ou 7 mois. Et avec des camarades, on s'organise de participer, même juste pour contre acter contre le chant misogyne, le chant raciste, et même pour engager des gens, pour politiser, pour parler. On a essayé aussi de faire des assemblées, de faire des petites discussions politiques avec des gens. Donc ça c'est très important. Même que c'est difficile parce que c'est même au niveau de sécurité, c'est pas très facile de parler sur certains sujets, de librement d'aller contre fasciste, contre ultras. C'est aussi cet aspect que parfois tu ne vas pas trouver des solidarités dans le jaune, parce que c'est la sensibilisation de ces sujets, je pense, est pas assez haut. Ça que je voulais aussi partager, que ces dernières années, ça a été vraiment inquiétant qu'il avait beaucoup des attaques plus qu'habituelles, on peut dire, de l'extrême droite contre minorités et surtout des événements et espaces LGBTI. Même il y avait un tribunal contre un nazi qui a entré et a détruit basiquement un centre communautaire de LGBTI. C'est un nazi assez connu ici et le tribunal a été une farce, un théâtre. Et dans le même moment qu'il a été en tribunal, il a fait son campagne de président de Bulgarie. Vraiment, ça a l'air qu'il n'est pas inquiété qu'il a fait quelque chose de mal. Et enfin, le tribunal, je pense que ça a été il fallait payer 100 euros, même 1000 euros, mais rien grave pour lui, même qu'il est connu avec actes de violence. C'est la première chose que je voulais... Alors, très très vite, parce qu'il va falloir qu'on rende l'antenne, excuse-moi. Ok, je vais débriefer. Je voulais dire... Ok, juste une dernière... En fait, on est les vrais internationalistes. Il faut que nous sommes ensemble. Pour ça, on vous invite. C'est vraiment absurde que les nationalistes bulgares invitent nationalistes serbes Macédoine, quand ils contestent, ils discutent le territoire et des choses comme ça, c'est absurde. Le vrai solidarité doit être entre nous, entre les internationalistes. Et pour ça, on vous invite et on va faire tout ce qu'on peut de vous accueillir et de contracter. Et j'aimais beaucoup l'idée de faire une grande antifa manifestation européenne, parce que c'est vraiment partout, c'est en Bulgarie. Et ça nous permettrait de justement nous rencontrer, justement. Oui. Eh bien, merci beaucoup, il faut qu'on coupe. Merci à vous. Et on se retrouve le mois prochain. Merci Sevda, on se retrouvera pour partager encore d'autres expériences. 106.3 FPP, la jungle des luttes, merci de nous avoir écoutés. Donc le 19, on est dans la rue, et également le 28 janvier par rapport à la question du logement et des nouvelles lois. Donc 28 janvier, parce que pour le moment on n'en a pas parlé, le 19 tout le monde est au courant. Salut FPP, la jungle des luttes, merci.